Le comité national d'études du kimilsonisme, kimjonglisme du Nigeria a inséré dans son page d'internet un article qui soutient l'œuvre du peuple coréen pour la réunification nationale. Il écrit « La ligne et l'orientation avancées en matière de réunification de la patrie par son excellence monsieur le respecté Kim Jong-un lors de l'historique 7e congrès du Parti Travail de Corée ont de profonds retentissements à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La lutte de toute la nation coréenne pour édifier une puissance réunifiée, prestigieuse et prospère triomphera à coup sûr. »